raquette, on n'en veut pas. Soyez fiers de vous, vous pourrez dire j'y étais. La FFMC vous remercie. La FFMC vous remercie pour tous les motards. Merci à tous, applaudissez-vous. Nous avons obtenu d'être reçus par le chef de cabinet du ministre délégué au transport. Nous allons leur expliquer pourquoi on est là, si des fois ils n'auraient pas déjà compris. On vous demande de rester là quelques minutes, un quart d'heure, une demi-heure, le temps de les voir, le temps de leur expliquer. On vous demandera de faire du bruit à la sortie. Merci d'être là. Merci à tous. Vous étiez presque 3000, au moins 1000 à Calais, peut-être plus, non, 1500 à Lille peut-être, mais bravo à vous encore. La FFMC vous remercie, mais elle a aussi besoin de vous, comme adhérents par exemple. N'hésitez pas à nous rejoindre, plus nombreux, plus forts. Par un directeur de cabinet de votre région. Alors, bien évidemment, tous ces propos, ce non catégorique au contrôle technique sera remonté au ministre délégué au transport. La lutte n'est pas terminée. Merci à tous, merci d'avoir été là. On se donne quoi, 2-3 minutes pour faire un peu de bruit, pour dire au revoir à nos hôtes. Merci à tous. Bonne roulade, bon retour.